Ok, Attila, Ketsai. Galwina. Ça fait quoi là? Ok, écoute. La mise au vol ne nous laisse pas le choix. Pas le choix. Et Dieu seul sait le poids de ta croix. Réussir ou mourir, vas-y, fais ton choix. La rue, la s'entraîne, ni loi, très peu, ça sort de lauréat. Tu veux la money comme chez L'Oréal. Voyager et poser tes vallées jusqu'à Montréal. Y'a que le taf qui paye, c'est l'idéal. L'idéal, c'est l'idéal. J'ai raconté une histoire, celle d'un daron qui trime au taf. Pendant que son gosse traîne dans le Dixon, dans le sac des feux et des Dixar. Ce truc 4 et son fils, leur encart d'essence milieu salade. Voit que le bénéfice, que lui rapporte une honnête sarc. Se lever le matin pour le lycée, pour lui une perte de temps. Il a des comptes à régler, qu'il peut se résoudre qu'en perte de temps. Pour faire du blé, faut charbonner la matière au yan-yan. Il a du mal à se réveiller la nuit, sur le ciment. Il pense à son avenir et voit un yacht bête de villa. Pour lui c'est garanti, ce sera la tôle, la tombe ou cette villa. La vue des blocs le rend écrit, il se met dans les écrits de ses péripéties. Passé, présent, en bas, débat, ses aléas. On a détruit plus d'un, la rue et ses alcooliques. Ses plans rien, ses histoires de cul, y'a tous ses acolytes. Pour qui fraternité ne signifie plus rien. Ils font partie de tous ces anonymes qui font ce qu'ils ont à faire au quotidien. C'est ça. La vie souvent ne nous laisse pas le choix. Le choix. Et Dieu seul sait le poids de ta croix. Réussir ou mourir, vas-y, fais ton choix. La rue, la s'entraîne, ni loi, très peu, ça sort de lauréat. Tu veux la money comme chez L'Oréal. Voyager et poser tes vallées jusqu'à Montréal. Y'a que le taf qui paye, c'est l'idéal. L'idéal, c'est l'idéal. T'as voulu vivre des rêves, ce qui est légitime. Mais la réalité ne cesse de te rattraper. Les liens que tu dis sont éphémères. Tu te retrouves souvent dans la merde et ça c'est bien réel. Le soutien vient du ciel et très rarement des frères. Fais confiance au repère, la vie elle goût amer. C'est comme la météo, t'es jamais sûr du temps qu'il va faire. Toutes ces journées sont grises, en bas des blocs avec tous ces frérots. Ça charge des plans en masse, en quête d'un tas de yo. C'est devenu sa routine, c'est d'un schizo. Pour se calmer les nerfs, tire sur son bédo. Il a trop de bro. Un gars lui doit du cash sur la transac la semaine dernière. 3 kills de meco. Ce genre de paye prépare le Beretta. Il va payer, c'est assuré, faut assumer. Quand tu rodes plus fou que toi, la rue c'est comme ça. La vie souvent ne nous laisse pas le choix. Le choix. Et Dieu seul sait le poids de ta croix. Réussir ou mourir, vas-y fais ton choix. La rue la s'entraîne, ni loi, très peu ça sort de lauréat. Tu veux la money comme chez L'Oréal. Voyager et poser tes vallées jusqu'à Montréal. Y'a que le taf qui paye, c'est l'idéal. L'idéal, c'est l'idéal. C'est pour de vrai, si, si. La suite à venir. Attila Ketsai. C'est comme ça.